À l'occasion du 24e anniversaire de la promotion du général Kim Jong-il au poste de président du comité de la défense nationale de la République populaire démocratique de Corée, les jeunes et étudiants de la capitale Pyongyang ont organisé le 9 courant le bal dans divers endroits de la ville. Ce jour-là, tous les chefs-lieux provinciaux, villes et arrondissements ont aussi abrité le bal des jeunes et étudiants.